أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الشيخ السعدي رحمه الله دي: ceci est un serment d'Allah subhanahu wa ta'ala par le temps et par ces différents moments dans lesquels ont lieu les actes des serviteurs. Et ceci, ala tafawuti ahwalihim. Ceci en prenant en compte la diversité des situations de ces serviteurs. Ainsi, chacun est dans une situation particulière à un moment bien donné de la journée. Faqal, il dit subhanahu wa ta'ala, wallayli idha yaghsha, par la nuit quand elle enveloppe tout. C'est-à-dire, lorsqu'elle englobe toutes les créatures par son obscurité. Ainsi, chacun réside dans sa demeure et son refuge. Et les serviteurs, pendant cette nuit, se reposent suite aux efforts qu'ils ont produits dans la journée. Ils se reposent donc de leur fatigue. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى par le jour quand il éclaire, c'est-à-dire quand il éclaire les créatures qui sont illuminées par sa lumière, la lumière du jour, et vaquent ainsi à leurs occupations. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى et par ce qu'il a créé mâle et femelle. وَمَا خَلَقَ ici on a vu dans Sourate Ash-Shams que ma peut être mausoula et masdariya. Ici, on a le même cas de figure. Si ma est mausoula, alors Allah Azza wa Jal jure par lui-même, en tant que créateur, qui a créé le mâle et la femelle. Par celui qui a créé le mâle et la femelle. Quand le pronom ma ici est mausoula. Quand elle est masdariya, alors le sens est qu'Allah Azza wa Jal jure par ces créatures mâles et femelles qui montrent la parfaite sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces créatures. Car Allah azza wa jal, en créant chaque espèce d'animaux dont il veut que cette espèce perdure, Allah azza wa jal fait en sorte qu'il y ait un mâle et une femelle afin que cette espèce existe, perdure et ne disparaît pas. Et Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse parfaite, a fait en sorte que chacun des mâles et des femelles coïncide les uns avec les autres et que l'un soit attiré par l'autre à travers différentes choses, parmi celles-ci le désir. Qu'Allah soit loué le meilleur des créateurs. ثم قال الشيخ السعدي وقوله إن سعيكم لشتى هذا هو المقسم عليه أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها وبحسب الغاية المقصودة من تلك الأعمال هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى السعي له ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف ولهذا فصل الله تعالى العاملين ووصف أعمالهم فقال فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم ونحوهما والمركبة منهما كالحج والعمرة ونحوهما واتقى ما نهي عنه من المحرمات المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, vos efforts sont divergents. Cheikh Saadi dit, هذا هو المقسم عليه. C'est ce pourquoi Allah a juré. Donc Allah a juré par la nuit quand elle enveloppe. Il a juré par le jour quand il éclaire. Il a juré par ce qu'il a créé comme mâle et femelle. Il a juré pourquoi إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Vos efforts sont divergents. C'est-à-dire que vos efforts, ô vous qui êtes responsables de vos actes, sont divergents, sont différents les uns les autres, d'une grande différence. Et cette différence a lieu dans ces actes en eux-mêmes, dans leur quantité et dans la motivation que vous avez à les faire. Et ces actes diffèrent également dans le but qui est recherché par cela. Est-ce la face d'Allah le Très-Haut qui est recherchée? Dans ce cas, l'effort restera comme la face d'Allah Azzawajal reste. Et celui qui a produit ses efforts, dans lequel il, ses efforts qu'il a produits pour la satisfaction d'Allah, eh bien, il en profitera. Ou bien le but est-il éphémère? Dans ce cas, l'effort disparaîtra avec la disparition de cet acte. Et ainsi est la finalité de tout acte pour lequel la face d'Allah n'est pas voulue. Ils sont amenés, yani leur finalité est vaine. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a explicité les différents actes. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Celui qui donne, c'est-à-dire celui qui donne ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de donner. Parmi les adorations qui ont un rapport avec l'argent. Des adorations financières, comme la zakat, comme les expiations, al-kafarat, comme an-nafaqat, qui sont les dépenses. Parmi les dépenses obligatoires, il y a le fait que, par exemple, l'homme subvienne aux besoins de sa famille. Ceci est une obligation. Was-sadaqat, les aumônes. Wal-infaq fi wujuhi al-khayr, et les dépenses dans les voies du bien. Celui qui donne également à travers des adorations liées au corps, comme la prière, le jeûne et autres. Mais également, les adorations qui sont à la fois faites par le corps et qui sont en même temps financières, comme le hajj et la umrah, qui demandent un effort physique et qui demandent aussi que la personne dépense de son argent. Wattaqa, et craint Allah. Celui qui donne et craint Allah, c'est-à-dire qu'il met un obstacle entre lui et les interdits d'Allah, quelle que soit leur nature. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, et déclare vérité la plus belle récompense, c'est-à-dire qu'il considère vrai la parole la ilaha illallah et tout ce qui et tout ce qu'elle incombe comme conséquence de considérer vrai l'ensemble des croyances religieuses et de considérer vrai également la récompense de l'au-delà. ثم قال فسنيسره لليسرى أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير ميسرا له ترك كل شر لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم يرى نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه. وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة فسنيسره للعسرى أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرا للشر أينما كان ومقيضا له أفعال المعاصي. نسأل الله العافية. Donc Allah Azza wa Jal parle de celui qui donne et qui craint, qui considérerait la plus belle récompense, quelle est la finalité de cela. Allah Azza wa Jal dit, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. C'est-à-dire que nous lui faciliterons toutes ses affaires et nous ferons en sorte que tout le bien lui soit facilité et également que lui soit facilité le fait de délaisser tout mal. Car cette personne a mis en œuvre les causes de la facilité, ainsi Allah lui facilite. Ainsi Allah lui facilite. وَأَمَّا مَنْ بَخِلْ. Quant à celui qui est avare. Avare vis-à-vis de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. En délaissant les dépenses obligatoires et surérogatoires. Une personne qui s'abstient de donner le droit d'Allah. Et se dispense, c'est-à-dire qu'il se passe d'Allah. Et met de côté l'adoration d'Allah. Et considère qu'il n'a pas besoin d'Allah. Or, une âme ne peut être sauvée, ne peut réussir, ne peut connaître la facilité que lorsqu'elle aime Allah et qu'elle l'adore, et que tout ce qu'elle fait est pour Allah. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, quant à celui qui est avare, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ, et traite de mensonge la plus belle récompense. C'est-à-dire, il traite de mensonge ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs de considérer comme vrai, de considérer comme vrai toutes les bonnes croyances. Et parmi les bonnes croyances, le fait de croire par exemple au paradis, qui sont des bonnes croyances, qui sont une croyance qui comporte un bien pour le serviteur. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Celui qui traite de mensonge la plus belle récompense, alors nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. C'est-à-dire que nous ferons en sorte que sa situation soit difficile, qu'il soit doté de caractéristiques mauvaises, et que le mal lui soit facilité où qu'il soit, et que lui soit facilité également le fait de commettre les interdits. Qu'Allah nous en préserve. Et ceci est également une preuve dans Babu al-Qada' et al-Qadar. Que si tu fais les causes du bien, Allah te facilite vers le bien. Et si tu fais les causes du mal, Allah te facilite vers le mal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons lui ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun à sa place en enfer et au paradis, les compagnons ont dit, pourquoi alors œuvrer au envoyé d'Allah? Falimal amal. Le professeur Hassan a dit, i'amalu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrer, car chacun sera facilité sur ce pourquoi il a été créé. Donc œuvrer. Faites des bonnes œuvres et Allah Azza wa Jal vous facilitera la voie vers vers le bien. ثم قال رحمه الله وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذ هلك ومات فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا إن علينا للهدى أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ملكا وتصرفا ليس له فيها مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعير وتتوقد لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر. Puis Allah Azzawajal dit, selon le sens, ses richesses ne lui serviront à rien. Ces richesses qui l'ont amené à outrepasser les limites et à se sentir à l'abri du besoin. Des biens qui ont fait de lui un avare. Car pourquoi est-ce que ces richesses ne lui serviront à rien? Car lorsqu'il mourra, ne sera à ses côtés que ses œuvres pieuses. Quant à ses biens, dont il n'a pas donné la part obligatoire, qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire, alors ses biens seront au contraire, se retourneront contre lui et seront un regret et des remords pour lui, car il n'aura rien présenté et rien dépensé pour son au-delà. ثم قال, puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, c'est à nous certes de guider. C'est-à-dire que la voie droite est le chemin qui amène à Allah. C'est le chemin qui rapproche de son agrément. Quant à l'égarement, ce sont des voies sans issue qui n'amènent qu'au châtiment douloureux. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, à nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. C'est-à-dire que la vie présente et la vie dernière, la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, appartiennent à Allah, elles font partie de son royaume, mais c'est également Allah Azza wa Jal qui les gère et les administre. Il n'a dans cela aucun associé. Ainsi que ceux qui recherchent cette vie d'ici-bas ou celle de l'au-delà, la demande à Allah, et qu'ils s'abstiennent d'espérer des créatures. Puis Allah Azza wa Jal nous avertit. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, c'est-à-dire d'un feu attisé et d'un feu chauffé. لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Où ne brûlera que le perdu, qui dément, qui traite de mensonge, al-khabar, les informations, c'est-à-dire qu'ont apporté les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et les informations des prophètes, ce sont des révélations. Wa tawalla anil amr, et à tourner le dos, c'est-à-dire aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, rahimahullah, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب قاصدا به وجه الله فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. Puis Allah Azza wa Jal dit sur le sens, alors qu'on sera écarté, c'est-à-dire, hein, alors qu'on sera écarté de quoi? De l'enfer. Le pieux qui donne ses biens pour se purifier. C'est-à-dire que ce pieux, en donnant de ses biens, a pour but de purifier sa personne, de purifier son âme des péchés et des défauts. Il donne de ses biens en recherchant la face d'Allah. Ceci prouve que lorsque le fait de faire une dépense surérogatoire en délaissant une dépense obligatoire comme une dette, comme le fait de nourrir sa famille et autres, que ceci n'est pas légiféré. Plus encore, son don ne sera pas accepté, sera rejeté, comme le disent beaucoup de savants. Car on ne se purifie pas par une chose surérogatoire en délaissant une chose obligatoire. Ainsi, il n'est pas légiféré de faire une aumône surérogatoire aux dépens d'une dépense obligatoire. Tu ne vas pas aller donner des aumônes aux pauvres alors que ta famille est dans le besoin. Car de nourrir ta famille, c'est une obligation. Et de nourrir un pauvre et de donner de l'argent fisabilillah et de dépenser son argent dans les voies du bien, ceci est une chose qui est surérogatoire. Car comme le dit le cheikh, on ne se purifie pas en donnant une aumône obligatoire, en donnant une aumône surérogatoire aux dépens d'une aumône obligatoire. Car ici ce serait un péché. Et un péché ne purifie pas. Il, au contraire, il salit. ثم قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها وربما بقي له الفضل والمنة على الناس فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده وأما من بقي عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئها فإنه لابد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بل قد قيل إنها نزلت في سببه فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها وهي نعمة الدعوة إلى الله إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق فإن لله ورسوله المنة على كل أحد منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات والحمد لله رب العالمين. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Alors qu'on sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. C'est-à-dire que ce pieux qui a dépensé de ses biens pour se purifier, et également la deuxième caractéristique est qu'il a rendu à chaque personne la monnaie du bienfait qu'elle lui aurait accordé. C'est-à-dire que cette personne, ce pieux, tous les gens qui lui ont rendu service ou qui lui ont accordé un bienfait, leur a rendu la monnaie. C'est-à-dire qu'il leur a rendu le bienfait par lesquels ces personnes l'ont comblé. Et il se peut même, وَرُبَّمَا بَقِيَ لَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ عَلَى النَّاسِ. Et il se peut même qu'il soit, que les gens soient redevables vis-à-vis de lui. Des gens qui ont été bienfaisants envers lui, et au final, ce sont eux qui sont encore redevables vis-à-vis de lui. Ainsi, une personne dont les caractéristiques sont celles-ci adore Allah Azza wa Jal de façon pure. Quant à celui qui est redevable aux gens, eh bien, il est dans deux situations. Il aura toujours quelque chose à leur donner, il aura toujours quelque chose à leur rendre, ou il devra travailler pour eux. Ce qui diminuerait sa sincérité. Ce qui diminuerait sa sincérité. Car quand tu travailles pour rendre la monnaie à quelqu'un qui t'a rendu service, par exemple, il n'y a aucun doute que cet acte-là, tu ne l'auras pas fait à 100% pour Allah. Cela ne veut pas dire que c'est interdit, mais que comparé à une personne qui ferait un acte uniquement pour Allah, sans profit mondain, et bien que sa sincérité serait bien meilleure. Et Cheikh Saadi rahimahullah dit que ce verset, même s'il concerne Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a même été dit que ce verset a été révélé par la cause d'Abu Bakr radiyallahu anhu, car Abu Bakr n'était redevable à personne, radiyallahu anhu. Il n'était même pas redevable vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf un seul bienfait. Sauf un bienfait que lui a accordé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que Abu Bakr ne peut lui rendre. Qui est le bienfait de l'avoir appelé à la religion de l'islam. De lui avoir enseigné la guidée et la religion de vérité. Car Allah et son envoyé ont un bienfait envers quiconque, envers toute personne, un bienfait qui ne peut être récompensé ni égalé, qui est le bienfait de l'islam. Ce verset, même si il a été révélé à cause d'Abu Bakr radiyallahu anhu, et même si celui qui est voulu dans ce verset, le pieux, est Abu Bakr radiyallahu anhu, ce verset n'en reste pas moins général. Et il englobe tous ceux qui sont dotés de ces qualités méritoires, celui qui n'est redevable vis-à-vis des gens de rien, celui qui n'est pas redevable aux gens. Ainsi, toutes ses œuvres sont purement sincères à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit « Illa btira'a wajhi rabbihi l'a'la wa la sawfa yarda » Sauf pour celui, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur, le Très-Haut, et certes, il sera bientôt. Et certes, il sera bientôt satisfait. C'est-à-dire que ce pieux sera satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera, de ce qu'Allah azza wa jal lui donnera comme récompense et comme grâce walhamdulillahi rabbil alamin. Et la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes.